France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer. Victor Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte, le duel. Hugo, siégeant à l'Assemblée, entrevoit la catastrophe et lance à la tribune des députés « Quoi ? Après Auguste Augustule ?» La formule est trouvée. « Après que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. » La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Toute la France se souvient que Victor Hugo s'est opposé au coup d'État que Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République, a fomenté en décembre 1851 pour conserver et élargir son pouvoir. On se souvient moins que 3 ans plus tôt, lors de la première présidentielle au suffrage universel, le député Victor Hugo avait soutenu le député candidat Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un des mérites du livre que vient de faire paraître Frédéric Mitterrand que d'insister sur cette partie de l'opposition qui a mis face à face les deux hommes. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Jean. Le duel, c'est le titre de votre livre qui paraît aux éditions Ixo. Il y a un sous-titre, le voleur et son ombre. Ah. Le voleur, c'est Louis-Napoléon qui vole la République. Et l'ombre, c'est Victor Hugo qui va le suivre pas à pas. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'en fait, ils se connaissaient très bien. Et que pendant la période de la Seconde République, il y a eu une sorte de jeu de séduction réciproque qui n'a pas marché et qui s'est transformé en jeu du chat et de la souris. Enfin, ils se connaissaient très bien. Ils se sont connus à partir de l'automne 1848, oui, mais... parce que Louis-Napoléon Bonaparte, il faut commencer par lui, premier personnage. Il était en exil. Le prétendant Bonaparte, il était en exil. Alors, c'est le fils de la reine Hortense, pèlerin de l'histoire, Frédéric Mitterrand, vous êtes allé jusque sur les bords du lac de Constance. À Arienenberg, qui est la maison de la reine Hortense, qui est un endroit très joli, un peu triste, mais très bien gardé et... Et c'est là où Louis-Napoléon a passé son enfance et son adolescence, veillé par sa mère qu'il adorait, qu'il appelait mon doux entêté, l'appelait aussi monsieur oui-oui, parce qu'il disait toujours oui, mais il n'en faisait qu'à sa tête. Vous l'aimez bien, la reine Hortense? À la reine Hortense, on peut pas ne pas l'aimer. C'est un personnage qui a un charme invraisemblable. Et elle a d'ailleurs hérité du charme de sa mère, Joséphine. C'est-à-dire, elle a du charme, elle a du goût, elle est en même temps aventureuse. Elle arrive à avoir son dernier enfant, le fameux Morny, en cachette de Napoléon Ier, qui l'a fait tout le temps surveiller. Personne ne sait qu'elle a eu cet enfant au fin fond de la Suisse. Louis-Napoléon Bonaparte tente un premier coup de force à Strasbourg en 1836, et puis un second qui coïncide avec le retour des cendres de Napoléon Ier en 1840. Et oui, il cherche désespérément à attirer l'attention sur lui et chaque fois ça échoue lamentablement. En 1840, Guy Rémusat, qui était le ministre de l'Intérieur de Thiers, alors président du Conseil, il avait autour de lui une quarantaine de valets déguisés en militaires, mais aussi un aigle vivant, mais déplumé, acheté au marché à Londres. Oui. C'est pour ça qu'après, dans les caricatures, on le voyait qui traînait un dindon derrière lui et on disait c'est l'aigle de Louis-Napoléon. Alors, il est coffré dès son arrivée à Boulogne, emmené par le sous-préfet. Voilà une scène restituée. Votre nom ? Louis-Napoléon Bonaparte. Je vois, c'est vous qui, à Strasbourg, avez voulu prendre le pouvoir il y a 4 ans. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes revenu remercier le roi de sa clémence vis-à-vis de vous. Le gouvernement a demandé à la Suisse de m'expulser. Je me suis senti dégagé de toute responsabilité à son égard. Et quand vous ne conspirez pas, quelle est votre profession ? Avant d'être obligé de me réfugier en Angleterre, j'étais capitaine d'artillerie. Capitaine d'artillerie ? Et où ça ? Au régiment de Berne. Mais alors, vous êtes suisse ? Vous connaissez votre histoire, je pense ? Je suis né à Paris, fils de Louis et d'Hortense, roi et reine de Hollande. Suisse, fils de Hollandais ? Et vous vouliez prendre la place du roi Louis-Philippe en France ? Le roi des barricades occupe bien la mienne. Napoléon a dit avant la venue au monde du roi de Rome que l'hérédité était absurde et irréconciliable avec la souveraineté du peuple. Napoléon est descendu dans la tombe, par conséquent, il ne peut y avoir de prétendant à un prétendu empire. Une dramatique télé de Jean-Paul Sassy avec Jean-Paul Moulinet. Mais c'est bien. Oui, oui, c'est un aventurier. C'est-à-dire qu'un homme dont même la paternité, on n'est même pas sûr tout à fait qu'il soit le fils du roi de Hollande et dont la nationalité est imprécise. D'ailleurs, il parle avec un accent de suisse-allemand. Quand il parle de la République, il dit la République. Enfin, tout le monde se moque de lui. On est sûr quand même qu'il a deux enfants naturels qui sont nés pendant son séjour forcé à la forteresse de Ham dans la Somme. Toujours d'après Rémusat, une maîtresse lui a été administrativement choisie. Oui, c'est-à-dire, c'était assez conciliant le régime de la détention. Effectivement, on a choisi une jolie lingère qui était assez accommodante. Il a donc eu deux enfants qu'il fera élevé par une autre de ses maîtresses, la célèbre Miss Howard. Harriet Howard, on va la retrouver, je le crains, dans pas mal de moments de votre livre, Frédéric Mitterrand. Soit il le deuxième craindre, personnage... Elle est très belle et très charmante. et très riche. Soit le deuxième personnage, un poète consacré, encore un peu hésitant quand il se hasarde en politique, parce que en 1848, on distinguera entre les républicains de la veille et les républicains du lendemain. Victor Hugo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est pas vraiment un républicain de la veille. Non, c'est-à-dire c'est un républicain qui aime que la République soit couronnée. Et ce qu'il vient de faire depuis plusieurs années, c'est de se rapprocher énormément du roi Louis-Philippe, dont il est devenu quasiment le conseiller intime, après une amitié très grande qu'il a eue avec le fils de Louis-Philippe, lequel est mort dans un accident de voiture, enfin de calèche, à Neuilly, quelques années avant. Et il est très très proche de Louis-Philippe. Il est pair de France. Pair de France, c'est comme sénateur aujourd'hui, mais c'est quand même plus chic. Et il est par ailleurs à l'Académie française. Enfin, c'est un homme... D'ailleurs, quand on le voit dans les caricatures, il écrase toujours tout son entourage et il a une énorme tête. C'est pour dire que... Il n'est pas barbu à l'époque, il a des cheveux longs. Non, il a une énorme tête hydrocéphale. C'est pour dire qu'elle bouillonne d'idées et d'ambitions. Et au fond, il a été très très proche du roi. Donc la République, oui, mais couronnée. La République, février 1848, et peu de temps après, le 15 mai, voici que des émeutiers envahissent le palais Bourbon, enfin, ce qu'on appelle le chaudron, parce que l'Assemblée, elle a été reconstituée dans la cour du palais royal, tant elle est nombreuse. Et puis, en juin, le peuple dominé de Paris s'insurge contre la suppression des ateliers nationaux, qui assumaient tant bien que mal une subsistance aux chômeurs, un peu partout, des barricades. Et des milliers de morts. Et Victor Hugo est là, dans Chose Vue, il décrit le Paris de juin 48. Une femme parut sur la crête de la barricade. Une femme jeune, belle, échevelée, terrible. Cette femme, qui était une fille publique, releva sa robe jusqu'à la ceinture et cria aux gardes nationaux dans cette affreuse langue de lupanar qu'on est toujours forcé de traduire. « Lâche, tirez si vous l'osez sur le ventre d'une femme. » Ici, la chose devient effroyable. La garde nationale n'hésita pas. Un feu de peloton renversa la misérable. Elle tomba en poussant un grand cri. Il y eut un silence d'horreur dans la barricade et parmi les assaillants. Tout à coup, une seconde femme apparut. Celle-ci était plus jeune et plus belle encore. C'était presque une enfant, 17 ans à peine. Quelle profonde misère! C'était encore une fille publique. Elle leva sa robe, montra son ventre et cria « Tué, brigand, on dira !» Elle tomba trouée de balles sur le corps de la première. Ce fut ainsi que cette guerre commença. D'un côté, le désespoir du peuple. De l'autre, le désespoir de la société. Une guerre sociale dans laquelle Victor Hugo est dans l'oscillation, dans l'hésitation. Pourtant, la lutte des classes est claire. Oui, là, il y a les rouges d'un côté, les possédants de l'autre. Il oscille pas énormément. Il va sur les barricades pour essayer, en espérant que son verbe et sa notoriété permettront de calmer les émeutiers. Quand il voit que c'est pas possible, il retourne tranquillement à l'Assemblée nationale où il reste pendant les trois jours suivants où quand même cette République massacre 4500 personnes qui sont des ouvriers, des filles publiques, enfin tous les gens qui se sont révoltés contre le fait qu'ils n'ont plus de subsistance. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que Victor Hugo divinise le peuple, mais au fond, il ne se mélange pas beaucoup à lui, tandis que Louis-Napoléon a une connaissance plus intime du peuple. À force d'avoir traîné partout, il connaît beaucoup de gens, et il a écrit un livre qui s'appelle « De l'extinction du paupérisme », qu'il a d'ailleurs envoyé à Victor Hugo, avec une dédicace très flatteuse. Enfin, c'est quand même un étranger, puisque c'est un émigré. Mais il est élu à des élections partielles, oui, à la même Assemblée nationale que Victor Hugo, élu par 5 département. Oui, il s'y reprend 2 fois d'ailleurs. Il est élu une première fois et puis il se rend compte que ça créera des troubles. Donc il démissionne et puis il revient 3 mois plus tard à l'occasion d'élections partielles. Nous voilà à l'automne 1848. Encore une scène restituée ici par Jean Delannoy, oui, dans un film académique classique, oui, sur 1848. Alors, nous sommes sur le chemin du retour. Le prétendant Louis-Napoléon Bonaparte, il a maintenant l'immunité parlementaire. Il est dans sa calèche. Oui. Il est avec Miss Howard. Oui, Miss Howard, qui est sa maîtresse, qui était une belle courtisane londonienne, qui, en fait, lui reversait une bonne partie de ce qu'elle gagnait, d'une manière que la morale réprouve un peu. Et alors, sur le chemin, il y a un personnage que Daumier appellerait Ratapoil. Vous savez, c'est, oui, un ancien grognard qui, oui, alors, guette l'arrivée, oui, alors, de Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, c'est quoi un Ratapoil? Ratapoil fait partie de tous ces gens troubles dans toutes ces périodes-là. Il est plus ou moins bonapartiste, il est plus ou moins indicateur de police, plus ou moins mouchard. En tout cas, c'est un type douteux. Enfin, il monte dans la calèche. Je savais, Altesse, que vous passeriez par cette route. J'ai voulu que Wagram et Austerlitz vous accueillent avant Paris. Maréchal des logis Bicherel, du 4e Hussard. Montez, Bicherel. Oh, c'est trop d'honneur. C'est trop de... Wagram, Austerlitz. Tout l'honneur est pour moi, Bicherel. Je vous croyais seul, Altesse, pas en famille. Et je ne savais pas que vous étiez marié. Et un enfant, un bel enfant. Miss Howard n'est pas ma femme, Bicherel, c'est une amie. Et Constantin est son jeune fils. Pardon. Mais... c'est tout comme. Thank you, darling. Oh, elle est anglaise. Oh, l'empereur est vengé. Oh, oh, pardon, miss. Je vous pardonne. Oh, mais c'est que madame, vous lui auriez bien plu aussi à l'empereur. Mais j'en suis sûr. D'ailleurs, il aimait autant les femmes que les victoires, non? Bah, ça va ensemble, pas. On dit aussi qu'il avait amené les 2 fils naturels de la lingère de Ham. C'était pas dans la même calèche. Non, ils n'étaient pas dans la même calèche. Mais c'est ce qui est très intéressant dans cet extrait. C'est que on voit qu'effectivement tout le début de son envol, il a été suivi et aidé par Miss Howard, qui était une grande inconnue de l'histoire. Finalement, j'ai jamais vu de film consacré à Miss Howard, et c'est quand même un personnage qui a joué un rôle très important. En plus, elle avait de l'argent, et en plus, elle avait laissé beaucoup de bons souvenirs à des banquiers de Londres, qui évidemment, quand elle les appelait, étaient trop contents de lui accorder quelques subsides qui partaient directement dans la poche de Louis-Napoléon. Mais il serait quand même peut-être temps, Frédéric Mitterrand, c'est pourtant le premier chapitre de votre livre, que vous nous racontiez la rencontre, enfin, à l'automne 48, des 2 députés, Victor Hugo, qui est là depuis un peu plus longtemps à l'Assemblée, et Louis-Napoléon Bonaparte qui arrive. Puisque vous m'en donnez l'occasion, allons-y. Alors donc, c'est un jour d'octobre 48, Louis-Napoléon va se présenter à la présidence de la République, il a compris que le suffrage universel, pour la première fois, allait lui donner une chance inouïe, parce qu'il est drapé dans le souvenir de son oncle, de Napoléon, et il va sonner à la porte de Victor Hugo. Il arrive tout simplement comme ça. Victor Hugo, qui est en train de s'installer dans un appartement de la rue de la Bienfaisance, parce que la famille Victor Hugo a eu trop peur des journées de juin avec les massacres des ouvriers. Et il est en train, Victor Hugo est en train de poser du papier peint dans sa maison. Il est très manuel, Victor Hugo, il adore faire ça. Alors, il est un peu surpris de voir arriver Louis-Napoléon, mais il est flatté quand même. Et Louis-Napoléon lui tient un discours tout à fait encourageant, en lui disant, oui, bien sûr, il y a mon oncle Napoléon Ier, mais en fait, le grand exemple, c'est Washington. Et moi, je serai le Washington de la République. Et Victor Hugo se laisse convaincre parce que il a à sa disposition un journal. L'événement. L'événement, oui, qui est censé être dirigé par ses fils, mais en fait, c'est lui quand même qui anime le journal. Et l'événement se met du côté de Louis-Napoléon, à tel point que la veille de l'élection, il tire une édition spéciale où il y a le portrait de Louis-Napoléon reproduit en plusieurs fois sur la première page avec « c'est lui que nous voulons, c'est lui qu'il nous faut ». Et c'est comme ça que Victor Hugo peut applaudir au succès massif de Louis-Napoléon Bonaparte, décembre 1848, 5 500 000 suffrages pour lui. Il écrase même Cavaignac, le candidat des Républicains. Et qui tenait le gouvernement depuis les journées de juin, 1 500 000 seulement. Le Drurelin, la gauche, 400 000 électeurs seulement se sont prononcés pour lui. Et Lamartine, 17 000, parce que les gens ont cru que c'était la femme de Martin. C'est terrible, non? Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était Napoléon Ier, Redivivus. Oui, oui, bien sûr. Il mettait un bulletin de vote dans l'urne. Et il est assez habile, Louis-Napoléon Bonaparte, pour flatter un bon moment. Il se fait passer pour un imbécile. Victor Hugo. Il a l'habileté de se faire passer pour un imbécile. Donc Thiers, qui est quand même l'homme fort du régime, dit c'est un imbécile, on lui donnera des femmes et de l'argent et on fera tout ce qu'on voudra. Et en fait, il est très habile, il est rusé, disons. Victor Hugo, lui, se doute du fait qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il ne paraît, mais dans un premier temps, il lui fait confiance. Et d'ailleurs, Louis-Napoléon est très très aimable avec lui. Et donc, il accepte, Victor Hugo, les invitations à l'Élysée nationale, qui est entretenue par Miss Howard. Non, qui est entretenue surtout par la sœur de Louis-Napoléon, la cousine de Louis-Napoléon, qui est la fameuse princesse Mathilde. Qui n'aime pas beaucoup, évidemment, Miss Howard. Et les bals sont beaucoup plus agréables à l'Élysée nationale. On s'amuse beaucoup, oui. Que chez Victor Hugo, par exemple. On s'amuse beaucoup, oui. Chez Victor Hugo, la chair est un peu triste. Et on s'amuse beaucoup à l'Élysée. Polka. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Oui, Napoléon Bonaparte et Victor Hugo, le duel, c'est le thème d'un livre chez Ixo de Frédéric Mitterrand qui est notre invité. Oui, on danse plus la polka, la mazurka oui, non plus. Vous avez remarqué que ça s'accélère à la fin. C'est ce qui va se passer d'ailleurs de 1848 à 1851. Mais alors, comment se fait-il que Victor Hugo s'aperçoive enfin que Napoléon Bonaparte appartient à cette catégorie d'ignorants qu'on appelle les princes, et à cette catégorie d'étrangers qu'on appelle les émigrés. Oui, et alors il va s'en rendre compte à la suite d'une série de petites vexations d'abord. Il est invité à l'Élysée, on se trompe de carton, on ne lui envoie pas le bon, tout le monde est à table, il arrive en retard, des choses comme ça. Et petites vexations qu'il est assez orgueilleux, voire quelquefois vaniteux, notre Victor National, qui est un génie hein, par ailleurs. Mais enfin, il a des petitesses. Et par ailleurs, il va se rendre compte aussi que Louis-Napoléon, en fait, est en train d'user les gouvernements les uns après les autres et de mettre des hommes à lui un peu partout et que, en fait, il est en fait redoutable. Et la rupture va venir le jour où, poussé par Louis-Napoléon, Victor Hugo va faire des déclarations concernant la situation des Français à Rome, de l'armée française à Rome, qui est à Rome pour remettre le pape sur son trône. Et en fait, la position de Victor Hugo, c'est celle à laquelle pense Louis-Napoléon, qui est assez contre le pouvoir du pape, mais Une fois s'étant avancé devant le Parlement et ayant soutenu cette position-là, il se fait désavouer par Louis-Napoléon, qui se rend compte que pour l'instant le poulet n'est pas cuit, que c'est pas le moment de... Il l'a envoyé prendre des risques à sa place. Et Victor Hugo ne lui pardonnera jamais cette félonie. Dans la question romaine, Alexis de Tocqueville, assure la charge des affaires étrangères. Oui. Alexis de Tocqueville était plus lucide. C'était un génie. Sur Victor Hugo. Oui. Sur Louis-Napoléon Bonaparte, pardonnez-moi. Alexis de Tocqueville, je pense qu'il aimait beaucoup Victor Hugo, il était très classique dans ses goûts littéraires. Oui, il aimait pas beaucoup Victor Hugo, il le trouvait trop bruyant, comme beaucoup de gens. Non, mais simplement, pas comme moi, mais comme beaucoup de gens à l'époque. Mais Tocqueville, il fait un portrait, de la même manière qu'il fait un portrait génial de Louis-Philippe, il fait un portrait très très fin de Louis-Napoléon. En gros, il dit... quand je le rencontrais, je m'apercevais qu'il était bien supérieur à ce qu'on m'avait dit et bien inférieur à ce que je pouvais en espérer. C'est-à-dire que, en fait, dès le début, Tocqueville, comme Victor Hugo, se rend compte que Louis-Napoléon, président de la République, n'est pas prêt à quitter la place. Et il s'en rend d'autant mieux compte, Tocqueville, que c'est lui qui a rédigé la Constitution et que cette Constitution interdit au président de se représenter. Oui, parce qu'on avait beaucoup hésité au moment de la rédaction de la Constitution sur les risques que présentait une élection au suffrage universel masculin du président de la République, le risque de césarisme. Et donc, un seul mandat de 4 ans non renouvelable. Voilà. Et alors, donc, évidemment, ça ne fait pas du tout les affaires de Louis-Napoléon qui veut rester. Et même Tocqueville pense, bon, mais puisqu'il sait comme ça, on n'a qu'à le garder. On n'a qu'à amender la Constitution. Sauf qu'il faut la majorité des 2/3 et qu'il n'y a pas la majorité des 2/3. Donc, il n'y a pas de solution pour Louis-Napoléon pour se maintenir que la solution la pire, qui est le coup d'État. Mais avant qu'on en vienne au moment du coup d'État, Frédéric Mitterrand, il faut insister sur la politique de plus en plus conservatrice que mène l'Assemblée nationale, qui restreindre le suffrage universel, qui pourtant avait fondé son élection, elle. Oui, alors ça c'est une erreur terrible de sa part. Parce que évidemment, Louis-Napoléon va pouvoir dire, bah, écoutez, moi je protège le suffrage universel. Si je prends le pouvoir, je vous le rendrai complètement. Mais il faut bien voir que cette République qu'on a beaucoup présentée sous un jour favorable, ensuite dans nos livres d'histoire, c'est une République en fait de royalistes qui sont déguisés. Hein, on disait les républicains de la veille, les républicains du lendemain. Et en fait, ils préparent tous un coup d'État qui ramènerait ou les fils de Louis-Philippe, ou qui irait même chercher le prétendant légitimiste qui se trouve en Autriche. Le comte de Chambord. En fait, le 19e siècle, c'est à la fois l'histoire de la progression constante de l'idée de la République, et c'est aussi l'histoire de l'échec des royalistes qui étaient encore tout puissants à se fédérer parce qu'ils sont divisés en deux groupes, ceux qui sont du côté des anciens Bourbons et ceux qui sont du côté des fils de Louis-Philippe. Orléanistes et légitimistes. Voilà. Et puis, l'année 1852, elle était vécue aussi comme un horizon d'attente, dirait-on aujourd'hui, pour la gauche qui rêvait de la sociale, avec un S majuscule, qui allait s'établir par les élections qu'on attendait. Alors ça faisait très peur aux bourgeois, évidemment. Ils n'avaient aucune envie de revivre toute cette période. Et ce qu'il faut, toute la période de la Révolution, avec notamment, quand même, cet épouvantail que l'on brandit sans cesse, qui est la terreur. Et donc... faisant sa pelote, Bonaparte et ses amis préparent le prolongement du pouvoir du président de la République qui passe par la dissolution de l'Assemblée nationale qui s'est discréditée par la manière dont elle a ébréché le suffrage universel. Ébréché le droit de la presse, ébréché plein d'autres droits. Hein. Les fils de Victor Hugo, animateurs de l'événement, se sont retrouvés en prison. Et cette affiche... Une prison assez douce d'ailleurs, où il faisait venir des filles, il faisait tellement de bruit que Proudhon, qui était dans la cellule à côté et qui écrivait son livre, a dit « Est-ce qu'on pourrait pas les mettre ailleurs ?» Tapage nocturne. Grand tapage que cet affichage en décembre 51, le 2 décembre, sur les murs de Paris. L'Assemblée nationale est dissoute. Ah bon? Alors, il n'y a plus de députés. Des fainéants à 25 francs par jour. Ah oui, qui préparaient un mauvais coup contre la République. Ah oui, qui voulaient foutre Bonaparte à Vincennes. Deuxièmement, et ça, c'est une grande chose. Écoutez, le suffrage universel est rétabli. Le peuple français est convoqué dans ses comices. Dans ses quoi? Mais tout simplement pour qu'on dise au président si on est pour ou contre son coup de balai. Bah, ce sera un peu tard. Pourquoi? C'est avant qu'il aurait dû me demander mon avis pour le coup de balai. Mais tu serais pas un peu rouge, toi, le maçon? Et toi, tu serais pas un peu flic? Toujours le film de Delannoy sur le coup d'État du 1951. Ça, c'est bien vu. Quand on parle de suffrage universel masculin. Hein, non, mais je l'ai dit, vous savez, j'ai pris mes précautions. Oui. Et voilà. Et les résistances à Paris et les résistances en province. Oui. Alors, il y a, à Paris, il y a à peu près 400 morts. Il y a à peu près le même nombre de morts en province. Ça fait beaucoup quand même, près d'un millier de morts. Il suffirait qu'il y en ait un seul pour que ça soit insupportable. Mais il y a à peu près 1000 morts. Mais c'est à quand même à comparer aussi avec les 2500, 3000 morts des journées de juin où la République a fusillé les ouvriers, et à comparer bien sûr avec les dizaines de milliers de morts de la Commune en 1870 où la République, dirigée par Thiers, n'hésitera pas à massacrer le peuple. La résistance est plus forte dans certaines régions françaises qu'à Paris. Je pense à un département qui est familier là. Au Mitterrand, la Nièvre. Oui, ben la Nièvre, oui, la Nièvre résiste à Louis Napoléon. Mais la résistance est assez molle quand même, hein. Et la répression est féroce. Ah, si vous dites ça aux républicains du Nivernais. Ah ben oui. Ils préféreraient entendre cette citation: le pouvoir d'un seul, même consacré pour un temps par le consentement général, insulte le peuple des citoyens. Alors vous reconnaîtrez, Jean Lebrun, que j'ai mis cette phrase au début du livre. C'est de qui ? Parce que c'est de François Mitterrand dans le coup d'État permanent. Et en fait, j'ai placé le livre sous l'égide de ce livre remarquable, et notamment de cette page, qui est une des dernières pages du livre. Parce que le problème, c'est que Louis-Napoléon a pris le pouvoir par effraction, il l'a volé, et ça s'est terminé par un désastre, Sedan. Alors évidemment, il a une très très mauvaise presse, et on ne peut pas le disculper de tout ça. En revanche, et c'est ce que dit François Mitterrand, c'est que quelquefois le dictateur essaye de bien faire. C'est arrivé, on ne peut pas lui pardonner, compte tenu de la manière dont il est arrivé au pouvoir. Mais on ne peut pas nier non plus qu'il a essayé de faire un certain nombre de choses. Oui, mais là, vous compensez l'absence d'un livre que les éditions Gallimard ont attendu pendant des lustres, pour lequel avait signé François Mitterrand un livre sur le coup d'État du 2 décembre 1951. Oui. Il ne l'a pas fait, je suis pas sûr qu'il aurait parlé comme vous venez de parler. Mais non, il n'aurait pas parlé comme moi, mais ça ne serait pas été la première fois qu'il n'aurait pas parlé comme moi, et ça n'aurait pas été la première fois que je n'aurais pas parlé comme lui. Ça ne nous empêchait pas de nous aimer. Vous ne compreniez pas, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre et même prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. C'est difficile à pardonner, mais un enfant de 7 ans, c'est un des passages les plus célèbres des châtiments. Oui, bien sûr. Mais ça, on est d'accord. On est d'accord, mais simplement, il faut bien voir que des enfants de 7 ans qui sont morts pendant le 19e siècle, écrasés par le pouvoir bourgeois, il y en a eu beaucoup, et Louis-Napoléon n'est pas le seul. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup plus autrement qu'avec Louis-Napoléon. Même Louis-Philippe disait « Ah, la République a la chance, elle peut faire tirer sur le peuple ». Non, il faut pas croire que il y avait un méchant qui a tout cassé, et puis tous les autres étaient des gentils qui ont tout fait bien. Non, c'était pas ça. Mais vous allez nous dire qu'il est dans la posture, Victor Hugo. Je mourrai en exil et je mourrai accru. Oui, alors Victor Hugo, sa grande chance, ça a été l'exil. C'est-à-dire que, en fait, il a pu recommencer à écrire, il n'a plus perdu son temps à s'occuper de ses fils et à faire des mondanités. Il a pu écrire tranquillement à Jersey ou à Guernesey. Moi, j'y suis allé à Guernesey, dans sa maison. C'est extraordinaire, mais c'est pas un endroit où on s'amuse énormément. On peut que travailler là. Et donc là, c'est là où il a écrit quelques-uns de ses plus beaux poèmes, et puis le chef-d'œuvre immortel et international, Les Misérables. Et d'une certaine manière, l'exil lui a rendu service. Le duel de Frédéric Mitterrand sur Victor Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte. Et si vous nous donniez des nouvelles de Miss Howard? Parce que la nuit du coup d'État, il paraît que les agents de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avaient fait éloigner Miss Howard sur les côtes, ont pillé sa correspondance avec Louis-Napoléon Bonaparte, l'ont subtilisé. Ils ont dû s'amuser, parce qu'ils ont dû lire des lettres qui étaient légèrement Prime Sautière. Et puis Les Roses à Saint-Cloud, et pour Miss Howard, un château, Beauregard. Ah bah oui, mais bon. Non loin, à la salle Saint-Cloud. Un château, un titre, et il lui a remboursé toutes ses dettes. Ouais. Bah, allez, en puisant dans la fortune nationale. C'est un sujet de livre, je crois, Frédéric Mitterrand. Arthur Le Breton, Franck Olivard, Frédéric Martin, Audrey Ripouille à la réalisation. C'était La Marche de l'Histoire. Et dans un instant, l'avant-dernier guillotiné, c'est le thème d'Affaires sensibles de Fabrice Drouel.